n'étions pas partis pour tomber amoureux. Ils nous ont avertis, mais la vie fait ce qu'elle veut. Quand je te regarde, je vois un avenir radieux. Mais ils nous mettent en garde, on nous prédit une vie mais pas à deux. Dis-moi que c'est faux, que ce n'est pas possible. Dis-moi que c'est faux, que tout sera possible. La rumeur court, la rumeur court. La rumeur court, quel est ton nom? Tellement précieux, je vois mon avenir dans tes yeux. Mon avenir dans tes yeux. Je ne veux pas te dire adieu, car avec toi je touche les cieux. Elle est tout ce que je ne suis pas, mais elle ne t'aimera jamais plus que moi. Mais si c'est vraiment ça que tu veux, je resterai loin de toi. Dis-moi que c'est faux, que ce n'est pas possible. Dis-moi que c'est faux, que tout sera possible. La rumeur court, la rumeur court. La rumeur court, quel est ton si tu vas m'abandonner, parce que les gens disent des choses insensées. Ils me parlent de mariage, de bébé, d'une maison où vous allez habiter. La rumeur court, la rumeur court. La rumeur court, quel est ton amour?